Dans le prochain mandature que tu auras à la tête de la Centrafrique, le temps est arrivé pour commencer à reprendre la formation politique pour enfin avoir un véritable successeur à l'œuvre grandiose et salutaire pour les panafricains que nous sommes, que tu as engagés au niveau de la Centrafrique. Le président Touadéra aujourd'hui est dans la shortlist, dans la liste des gens à abattre au niveau de notre continent parce que justement, il nous a prouvé de par les décisions qu'il a prises qu'on n'ait plus peur de Sisia. C'est le petit chantage à la petite semaine là. C'est cette Afrique-là que ces gens-là ont continué à vouloir entretenir au niveau de la Centrafrique. Le président Touadéra est venu mettre fin à cela. Ces gens-là qui sont en train de perdre le pouvoir au niveau de la Centrafrique parce qu'ils se rendent bien compte que cette Centrafrique-là, qui subitement, on découvre qu'elle a du pétrole. Ça veut dire que chaque Centrafricain peut être au niveau de vue d'un Qatari. Afrique Média, le monde, c'est nous.